seulement, yeah, je pourrais être seul au monde. Yeah, yeah. Si seulement je serais seul au monde, le seul en s'élevant, seul le temps peut dire quand je récolte tempête, quand je sème le vent. Je vis ce mal viscéral, misérable, sans idéal, la tête remplie d'idées sales. Les yeux versent plus d'eau que misérable, le temps gelé pour devenir meilleur, le cœur engelé, le sang gelé. J'sais qu'après ma vie, j'serais pas un angelé. Si seulement je pourrais rétablir les choses, juste à dire des pros, sauver des griffes, des fauves. Mais oublie ça, y'a rien qui change dans ce décor de béton. Tous les jours, trou qui flanche dans les sorts du démon. J'ai un passé composé des parfaits, c'est plus dur. Faudrait que ce soit plus que parfait pour le futur. Si seulement j'avais la force de combattre seul devant tous. Malheureusement pas dans mon dos mais dans ma face le vent souffle. Yeah. C'est pas dans mon dos mais dans ma face que yeah. Le vent souffle. Si seulement j'étais au seuil, la réussite serait seul au monde puisque je ressuscite. Si seulement j'étais au seuil, la réussite serait seul au monde puisque je ressuscite. Si seulement j'étais au seuil, la réussite serait seul au monde puisque je ressuscite. Autour de moi, toi, toi, quoi, craignez le fuck, des slots, baissez le froc. Les poumons des enfants éprégnés de potes. C'est chiant de voir que le soir est plein de slots. Qui pourra voir des gains, des forts, des corps et sort les seins. Le cop décore les mains, on vient du nord hémisphère où règnent les torts et mystères, l'or et mi-chair. On sort les viscères. C'est sûr qu'il y aurait moins de pleurs, s'il y aurait moins d'œil. Des larmes pleurent et pleuvent en fleuve, des nuages gris au coin de l'œil. Mossad monte d'où l'orage gronde sur nos têtes, nos salles tombent. La terre s'aligine les atomes. Je vois des corps morts au fond de la mer. Les hommes qui se font la guerre, rien de bon à faire dans ce monde amer. Si seulement la période tranquille était pas révolue, décadent, je mentirais si je disais qu'on évolue. Yeah. Si seulement ma vie serait simplement sainte. Yeah. Si seulement j'étais seul au monde, si seulement j'étais seul au monde, si seulement j'étais seul au monde, si seulement j'étais seul au monde, si seulement j'étais au seuil, la réussite serait seul au monde puisque je ressuscite. Si seulement j'étais au seuil, la réussite serait seul au monde puisque je ressuscite. Si seulement j'étais au seuil, la réussite serait seul au monde puisque je ressuscite. Si seulement j'étais au seuil, la réussite serait seul au monde puisque je ressuscite. Yo, je suis sans retour de nos actions, les empreintes restent. Sans retour sur une route à sens inverse. Si seulement les problèmes présents seraient pas en évidence. Deux, je suis sans résistance, fait que je prends mes distances. Mon destin, fait que je me lève de trace. Même si je rêve de cash, trêve de pièces devant et je rêve de glace. Si seulement ma vie serait pas une histoire sans fin, inutile qui mène nulle part comme une gare sans train. Si seulement Lucifer cesserait d'étendre les faibles, denter mes rêves et cesserait d'étendre ses ténèbres. En gros, ces mots sont issus de mon âme troublée. Si seulement je pourrais faire sécher les larmes couler. Ma destinée, c'est moi-même qui va la dessiner. Si seulement je pourrais vivre sans décéder. Si seulement, si seulement j'étais au seuil, la réussite serait seul au monde puisque je ressuscite. Si seulement j'étais au seuil, la réussite serait seul au monde puisque je ressuscite. Si seulement j'étais seul au monde, si seulement j'étais seul au monde, si seulement j'étais seul au monde, si seulement j'étais seul au monde. Si